Le pauvre vieillard, stupéfait de cette brusque attaque, resta pendant un moment immobile. Christophe emporta l'assiette du bonhomme, croyant qu'il avait fini sa soupe. En sorte que quand Goriot, après avoir relevé son chapeau, prit sa cuiller, il frappa sur la table. Tous les convives éclatèrent de rire. « Monsieur, dit le vieillard, vous êtes un mauvais plaisant, et si vous permettez encore de me donner de pareils renfoncements ?»« Eh bien quoi, papa ? » dit Vautrin en interrompant. « Eh bien, vous paierez cela bien cher quelque jour. »« En enfer, pas vrai ? » dit le peintre, « dans ce petit coin noir où l'on met les enfants méchants. »« Eh bien, mademoiselle, dit Vautrin à Victorine, vous ne mangez pas. Le papa s'est donc montré récalcitrant ?»« Une horreur, dit madame Couture. « Il faut le mettre à la raison, dit Vautrin. »« Mais, dit Rastignac, qui se trouvait assez près de Bianchon, mademoiselle pourrait intenter un procès sur la question des aliments, puisqu'elle ne mange pas. » Hé hé, voyez donc comme le père Goriot examine mademoiselle Victorine. » Le vieillard, oublié de manger, pour contempler la pauvre jeune fille, dans les traits de laquelle éclatait une douleur vraie, la douleur de l'enfant méconnu qui aime son père. « Mon cher, dit Eugène à voix basse, nous nous sommes trompés sur le père Goriot. Ce n'est ni un imbécile, ni un homme sans nerfs. Applique-lui ton système de Galle, et dis-moi ce que tu en penseras. Je lui ai vu cette nuit tordre un plat de vermeil, comme si c'eût été de la cire. Et dans ce moment, l'air de son visage trahit des sentiments extraordinaires. Sa vie me paraît être trop mystérieuse pour ne pas valoir la peine d'être étudiée. Oui, Bianchon, tu as beau rire, je ne plaisante pas. Cet homme est un fait médical, dit Bianchon. D'accord. S'il veut, je le dessèque. Non, tâte-lui la tête. Ah, bien, sa bêtise est peut-être contagieuse.